Peut-être. Bah, faut savoir. Ah, moins de réverb, ok. Quand tu écriras correctement, on arrivera à traduire. Bon, DB, tu nous envoies un truc sympa là? Thank you. Sur ce truc-là, je me rappelle plus. Sauf si tu veux bien me le dire, je veux bien les faire.

Thank you.

Thank you.